إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، donc on commence notre cours aujourd'hui, c'est le numéro 31, cours numéro 31 dans l'explication du livre Al-Fitna wa Mawqif al-Muslimi Minha, et on est maintenant arrivé à la partie 6 dans le troisième chapitre, au sujet des manifestations. Le cheikh il intitule ce passage, c'est Ihdath al-Tajammu'at al-Ghawra'iyya ou ma yusamma bil mudaharat al jama'iyya, c'est-à-dire le fait de faire des rassemblements ou des regroupements démagogiques, ou bien de faire des, qu'est-ce qu'on appelle, des manifestations et des groupes de pression, ou ainsi de suite. Des manifestations, des marches, des démonstrations, ou ainsi de suite. Le cheikh il dit: إذا وقعت الفتن أعوذ بالله منها رجع كل إنسان إلى ثوابته ليبحث عن مخرج من هذه الفتن، وثوابت الأمة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مع لزوم جماعة المسلمين وإمامهم، ولكن بعض المفتونين لم تعجبهم هذه الثوابت، ولم يعجبهم الرجوع إلى أهل الحل والعقد لأنهم ليسوا منهم، فعمدوا إلى البحث عن ملجأ آخر يلجؤون إليه وقت الفتن لشدة معرفتهم للواقع بزعمهم. استوردوا حلولا من خارج بلاد الإسلام ظنين أن فيها الحل للفتن الواقعة في الأمة، ويا سبحان الله، لو كان عند هؤلاء الكفرة الغربيين والشرقيين مخارج من الفتن، فلماذا لم يخرجوا أنفسهم منها وهم غارقون في الفتن التي أعظمها الكفر بالله عز وجل، وإضاعة دينهم، وإضاعة أعراضهم ودمائهم وأموالهم وعقولهم، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. Donc le cheikh il commence par le fait de dire que lorsque les fitanes se produisent, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous en préserve. Et bien lorsqu'elles arrivent, ces fitanes, chaque personne revient à ses principes et à ses fondements pour essayer de sortir de ces différentes fitanes, de ces différentes épreuves et de ces différentes tribulations. Et les principes fermes de cette umma, bien entendu, sont le livre d'Allah et la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, et ainsi que de s'accrocher, avec le fait de s'accrocher au groupe des musulmans, jama'at al-muslimin, et à leurs dirigeants. Donc de rester avec le corps des musulmans et avec le dirigeant. Mais certaines personnes qui ont été affectées par la fitna et qui ont été tentées par cette fitna, Ils n'ont pas aimé ces principes fermes et établis de la charia. C'est pas ça qu'ils aiment. Eux, qu'est-ce qu'ils préfèrent? C'est retourner à autre chose, parce qu'ils ont d'autres fondements et d'autres principes. Donc ils n'ont pas aimé retourner aux gens qui font partie de Ahlul Hilli wal Aqd, c'est-à-dire les gens qui sont parmi les dirigeants de la société, les ulama, et ceux qui prennent les décisions et qui ont de la connaissance et de l'expérience dans la gérance de la société, eh bien, ils n'aiment pas retourner à ces gens-là. Parce que ces gens-là ne font pas partie de leur groupe, de leur tendance. Alors, ils essaient de chercher une autre issue, hein, et un autre endroit pour yani, trouver les réponses lorsqu'il y a des fitanes. Et ils prétendent donc que la raison pourquoi ils cherchent les réponses ailleurs, c'est parce qu'ils comprennent mieux que les dirigeants et que les savants la réalité de qu'est-ce qui se passe dans le monde. Et donc ils ramènent des, soi-disant, des solutions des pays qui sont en dehors des pays musulmans, c'est-à-dire des pays des koufars. Et ils pensent que dans ces réponses et dans ces solutions-là, ils vont être capables avec de faire sortir la Ummah des différentes fitanes dans lesquelles ils se trouvent. Et le Cheikh dit, subhanallah, s'il y avait chez ces koufars, parmi les occidentaux ou les orientaux, des choses qui peuvent nous faire sortir des différentes fitanes, alors si c'est le cas, pourquoi eux-mêmes ne se sont pas sortis de leur propre fitane, hein, alors qu'ils sont noyés dedans? Et le plus grave et la plus grande de toutes ces fitanes à laquelle ils sont, c'est par exemple la fitna du kufr. Hein, la fitna du kufr, le fait de renier Allah subhanahu wa ta'ala. Et la fitna d'avoir perdu leur religion, d'avoir perdu leur honneur, d'avoir perdu, hein, et de gaspiller le sang des innocents dans leur pays qui sont tués à chaque instant, et leurs biens qui sont gaspillés, et également leurs raisons qu'ils ont, hein, qu'ils perdent également. Donc tout ça, c'est des preuves qui devraient nous faire réfléchir, que si ces gens-là eux-mêmes, les koufars de l'Occident ou de l'Orient, sont pas capables de se sortir de leur fitane avec ce qu'ils ont comme problème dans leur pays, avec les solutions qu'ils présentent, ça les aide pas à sortir de ces problèmes-là, eh bien, comment ils peuvent penser, hein, les hizbiyins de cette umma, comment ils peuvent penser qu'ils vont utiliser ces moyens-là que les kuffars ont inventés pour sortir la umma de ces problèmes, puisque les kuffars eux-mêmes ne sont pas capables de sortir de leurs problèmes avec ces soi-disant solutions-là. Cheikh, il mentionne le verset 46 dans Surat al-Hajj, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit que ce ne sont pas les yeux qui sont aveugles, mais ce sont plutôt les cœurs qui sont dans les poitrines qui s'aveuglent. Ensuite, le Cheikh dit: wa ha'ula lam ya'khudh ahlul hilli wal 'aqd fi bilad al muslimin bi aqwalihim al batila 'amadu ila awam al muslimin wa hayyajuhum على أهل الحل والعقد من العلماء والأمراء مستغلين حب عوام المسلمين للإسلام وحرصهم على نصرته والجهاد في سبيله واستغلوا ذلك كله أسوأ استغلال فملأوا قلوب عوام المسلمين حقدا على علمائهم وأمرائهم وصوروا لهم الأمور على خلاف ما هي عليه ثم أمروهم بأمور لا قبل لهم بها ولا قدرة لهم عليها وجعلوا ذلك لازما عليهم وأن ذمتهم لا تبرأ أمام الله يوم القيامة إلا بإصلاح ما فسد في الأمة بأنفسهم على طريقتهم ومن ذلك إخراجهم في تجمعات غوغائية ينادون ويصرخون ويضربون كل ما وقف في طريقهم ويفسدون كل ما وجدوه أمامهم من سيارات وأموال ونحو ذلك في مسيرة حاشدة صارخة يستعرض بها منظموها قوتهم أمام أهل الحل والعقد مشكلين بذلك جبهة ضغط بزعمهم على أهل الحل والعقد حتى ينالوا مرادهم من تغيير أو مال أو نحوه. Donc le cheikh, il dit que ces gens-là, ces hizbiyins, ces gens de bid'a, lorsque les dirigeants n'ont pas pris leur opinion, n'ont pas pris leur point de vue, dans les pays musulmans, ils n'ont pas accepté leurs fausses paroles, eh bien ils se sont tournés vers les musulmans en général, vers la masse. Ils se sont tournés vers le commun des musulmans qui forment la masse, hein, et ils ont essayé de les faire se révolter contre les responsables et contre les dirigeants, hein, parmi les ulama et parmi les dirigeants, en essayant d'utiliser leur amour, hein, l'amour que le commun des musulmans possède pour l'islam. Donc ils essaient de les manipuler et d'utiliser l'amour que la masse a pour l'islam et l'amour qu'ils ont également de défendre l'islam et de faire le djihad et de lutter dans la voie de l'islam. Ils utilisent ça, hein, et ils l'utilisent de la pire des façons, en remplissant le cœur de ces gens-là de haine et de rancune contre les ulama et contre les dirigeants, pour leur faire voir les choses d'une façon qui est totalement le contraire de la réalité et de ce qu'elle est vraiment. Puis il leur ordonne par la suite de faire des choses qu'ils ne peuvent pas faire et qu'ils n'ont pas le droit de faire, hein. Et ils font de cela quelque chose qui est imposé et obligatoire, et qu'ils leur font croire que ça c'est une chose qui fait partie des responsabilités qu'ils ont, et que devant Allah ils n'auront pas d'excuses au jour de la résurrection s'ils ne le faisaient pas eux-mêmes, hein, d'essayer de réformer qu'est-ce que les gens ont corrompu dans la Ummah à leur manière à eux, hein, c'est-à-dire de sortir dans les rues et de faire des manifestations et de commencer à appeler et de commencer à crier et de commencer à frapper tout ce qui est dans leur chemin et de détruire tout ce qu'ils trouvent devant eux, que ce soit des voitures ou des biens, hein, des biens publics ou autres. Tout ce qui se trouve dans leur chemin, ils le brisent, ils le cassent, ils le détruisent, hein. Et les organisateurs de ces manifestations-là, ils essaient de montrer la force qu'ils ont et la force de la masse, hein, qu'ils représentent devant les dirigeants et devant les responsables, hein, en pensant qu'ils forment un front de pression, hein, selon ce qu'ils prétendent, contre les responsables et contre l'autorité et contre le pouvoir, pour arriver à obtenir le changement qu'ils veulent ou obtenir des biens, de l'argent ou des choses de ce genre. Le cheikh il dit: فَإِذَا سَلَمَتَ الْمَظَاهِرَ الْمُظَاهَرَ مِنْ هَذِهِ الْفَوْضَى فَإِنَّهَا لَا تَسْلَمُ مِنْ إِسْتِعْرَادِ من استعراض القوة والضغط على أهل الحل والعقد ومن خروج المسلمين مع الكافرين وخروج النساء المسلمات أمام الرجال الأجانب حتى يختلط الحبل بالنابل ولتباين المشاركين في هذه التظاهرات فإن المتدبر العاقل يكاد يشك في غاية هؤلاء المنظمين لهذه المظاهرات. Donc il dit, et ça, hein, c'était écrit avant les événements de l'année passée, là, avant les événements de qu'est-ce qu'ils appellent, enfin, le printemps arabe. Donc ça, c'est des choses qui existaient même avant, dans les manifestations que les Hizbiyyin organisaient. Et donc il dit, lorsque ces manifestations-là sont exemptes de ce genre de chaos, et qu'on ne retrouve pas ce genre de désordre dedans, eh bien, on retrouve quand même, hein, qu'elles ne sont pas épargnées de certaines formes de comme s'ils essaient de montrer leur force et leur pression contre les dirigeants. Déjà ça en soi c'est déjà un mal, un grand mal, hein, d'essayer de s'imposer, de montrer sa force devant le dirigeant, et également le fait de sortir avec toutes sortes de personnes qui sont mélangées et qui ont des tendances différentes et des croyances différentes. Tu vois, parmi les gens qui font ces manifestations-là, et il y en a eu à Montréal, il y en a eu en France, il y en a eu un peu partout, et les Hizbiyyin, des Ikhwan et d'autres groupes, ils sont toujours partants pour aller manifester dans ces différentes marches, que ce soit lorsqu'il y a eu des marches pour la Palestine ou pour l'Irak ou pour d'autres occasions ou d'autres événements, ça a toujours été la même chose. Tu les vois, des groupes de Hizbiyyin marcher avec des kuffars, parmi les communistes, parmi les athées, parmi les socialistes, parmi les anarchistes, parmi les tous les groupes de tendance des kuffars qui sont tous réunis ensemble, qui sont en train de marcher, sans oublier que il y a parmi eux des hommes et des femmes qui sont mélangés entre eux, des gens qui sont étrangers les uns pour les autres, des femmes qui sont pas voilées. Donc eux, ils se mélangent tous ensemble pour faire ces activités-là et ces manifestations-là. Tout ça, ça représente bien entendu un péché, une contradiction avec les principes de l'islam. Et sans oublier également que yani, ils vont bien entendu et également parfois même manquer la salat. Ils vont même parfois manquer la salat. Lorsque la salat entre, ils ne vont pas prier. Et yani, subhanallah, même qu'est-ce qui est arrivé dernièrement en Égypte quand il y avait eu les manifestations, quand ils se sont réunis sur qu'est-ce qu'on appelle la place de, qu'est-ce qu'ils appellent la place de Tahrir, de la libération, eh bien ils ont établi même la prière de Jumu'ah dans cet endroit-là. Et les ulama ont expliqué que Jumu'ah ne peut pas être établi comme ça dehors dans la rue, il faut que ce soit dans une mosquée, ça ne peut pas être fait dehors. Et que yani, ça c'était quelque chose qui est bien connu dans les livres de fiqh. Donc comment ils ont pu laisser les mosquées et prier dehors de cette façon? Donc ça c'est pour vous montrer en fait comment yani, les hizbiyins qui font ces genres de manifestations là, ils contredisent non seulement dans les principes de Ahl-Sunnah, mais ils contredisent également même dans différents éléments qui font partie des fondements et des principes de, même dans le fiqh et dans d'autres aspects même de la religion, des choses qu'ils font qui sont des choses haram. Ensuite, le cheikh il dit « Wa li naqsir al-qawl ala al-mudaharat allati tuqamu fi al-dawal al-islamiyya » لأن المظاهرات التي تقام في الدولة في الدول الغربية ما هي في الحقيقة إلا خدعة يخدع بها أهل الحل والعقد في بلاد الغرب والشرق عوامهم فإذا أرادوا فرض شيء أو تغيير شيء أو التنصل من شيء عمدوا إلى عوامهم وهم يسمونهم الرأي العام فدلسوا عليهم وحسنوا لهم المطالبة بما خططوا له ثم ينفذون ما يريدون والعوام يظنون أنهم نفذوه طاعة لهم بسبب هذه المظاهرات وهم في الحقيقة قد خططوا لهذه المظاهرات ولتنفيذ ما أرادوا. Donc le cheikh il dit on va se limiter juste à des exemples des manifestations qui sont dans les pays musulmans, parce qu'il dit les manifestations qui se passent dans les pays non musulmans, dans les pays occidentaux par exemple, il dit en réalité c'est une ruse que les gens, que les dirigeants font contre leur population dans les pays de l'Occident et de l'Orient. Ils rusent contre leur population lorsqu'ils veulent imposer quelque chose à leur population, eh bien, ils utilisent ce genre de moyens-là. Et les masses sortent, et les gens sortent dans la rue, et yani, ils essaient d'utiliser ce genre d'opinion populaire ou d'opinion publique. Et par la suite, yani, ils se basent là-dessus pour établir ce qu'ils voulaient faire, même si parfois, c'est déjà à la base qu'est-ce qu'ils voulaient faire, mais parfois aussi ils opposent même l'opinion publique et ils font ce qu'ils veulent, peu importe qu'est-ce que les gens demandent. Donc ça c'est qu'est-ce qui se passe dans les pays. Maintenant, dans les pays de Kouf, on le constate ce genre de choses-là. C'est que maintenant, que le dirigeant soit d'accord ou non, et que les masses sortent ou non, yani, à la fin c'est toujours qu'est-ce que le dirigeant veut qui va être établi. Et dernièrement, justement, il y a même le premier ministre ici au Québec qui disait qu'il n'allait pas écouter qu'est-ce que la rue lui demande. et qui blâmait aussi les autres partis politiques d'essayer de faire plaisir à la rue et d'écouter la rue. Donc il dit on va pas laisser la rue nous dicter et nous dire comment on doit gérer le pays. C'est pas la rue qui va commencer à nous imposer ses lois. Et donc ça c'est déjà on voit que cette notion-là, même que ce sont eux les koufars qui ont inventé cette idée de manifestation puis de liberté d'expression puis de manifestation, et malgré tout eux-mêmes ils savent que ces moyens-là sont pas des moyens qui sont qui sont efficaces et qui représentent nécessairement la bonne opinion ou le bon point de vue, même si ça démontre une certaine insatisfaction de la population, mais ça veut pas dire que c'est ça qui va être établi ou exécuté à la fin. La preuve, c'est que souvent, quand il y a des manifestations, les dirigeants ils n'écoutent pas qu'est-ce que leur population ont demandé. Tandis que dans les pays arabes, on voit que, qu'est-ce qui s'est passé dernièrement, ça a été, on dirait presque que c'était un truc de mise en scène. Donc le cheikh il dit ensuite, وقد تكون هناك مظاهرات في بعض الأوقات بسبب التنافس على الرئاسة بين الأحزاب السياسية، فكل حزب يخرج أتباعه في استعراض للقوة، ثم يفوز في النهاية أكثرهم مالا وأقربهم للقوة الخفية الحاكمة، وبغض النظر بغض النظر عن كثرة أنصاره من العوام وقلتهم، ويعرف هذا كل من تدبر حال الغرب من سنين عديدة. Il dit que il y a également c'est possible qu'il y a des manifestations à certains moments à cause des compétitions ou des il y a des parfois des compétitions entre les différents chefs des différents partis politiques. Et chaque parti fait sortir ses partisans pour présenter leurs forces et pour montrer leurs forces. Et ensuite, celui qui à la fin a le plus d'argent pour faire une campagne ou pour faire de la publicité, et également celui qui est plus proche du pouvoir et de l'autorité. Qui ont des relations secrètes parfois ou cachées avec le pouvoir, eh bien c'est eux qui sortent les vainqueurs, même si ils ont moins ou peu importe le nombre de personnes qu'ils ont comme partisans, qu'ils en aient plus ou moins, dans les deux cas s'ils sont plus proches de ceux qui sont au pouvoir, eh bien, c'est eux qui gagnent parfois. Et celui qui réfléchit et qui médite sur justement qu'est-ce qui se passe en Occident depuis plusieurs années, eh bien, il va réaliser ça. Et un exemple aussi par rapport à ça, c'est que, comme dans certains pays, on voit qu'il y a toujours deux grands partis qui s'opposent. Comme aux États-Unis, par exemple, il y a les républicains puis il y a les démocrates. Et en réalité, c'est deux faces différentes d'une même pièce, deux faces différentes d'une même pièce, et que chacun de ces deux parties là ils se renvoient, comme on dit, l'appareil, chacun leur tour. Donc un de ces parties là va prendre le pouvoir pendant quelques années, puis quand ils ont passé quelques années au pouvoir et que la population est fatiguée avec eux ou bien en ont assez avec eux, eh bien ils vont passer l'appareil à l'autre parti, et l'autre parti va compléter et continuer des projets ou des idées que le premier parti avait, même s'ils ont parfois des petites différences idéologiques, mais en même temps on voit que en fait ils se complètent les uns les autres. Ensuite il dit فبان لنا أن هذه المظاهرات لا تقدم شيئا ولا تؤخره، وإنما هي خدعة يخدعون بها عوامهم أو ما يسمى الرأي العام، ثم ينفذون ما أرادوا، رضي العوام أم سخطوا. Donc c'est ça. On voit que ces manifestations-là, elles n'avancent rien et ne reculent rien. Ce sont juste quelque chose qu'ils utilisent pour faire, pour tromper leur population, hein, avec ce qu'ils appellent l'opinion publique. Puis à la fin, ils font ce qu'ils veulent, que ça fasse plaisir ou non. Et c'est ce qu'on a vu ici, chez les koufars, la même chose. Hein. Même il y a eu des manifestations immenses, hein, des grands nombres de personnes qui sont sorties dans les rues pour dire au pouvoir soi-disant, on n'est pas d'accord avec telle chose, on ne veut pas que vous faisiez telle chose. Hein. Et là, par exemple, maintenant, au Québec, il y a eu les manifestations pendant une grande partie de l'été pour les frais d'études à l'université. Et malgré tout, le gouvernement en place n'a pas bougé, n'a pas bronché, hein, il n'a pas cédé dans la demande des étudiants, peu importe. Donc il y en a parmi eux qui pensent que la démocratie, ça signifie que le dirigeant va, hein, va être obligé d'obéir à la population, c'est-à-dire d'écouter et d'obéir à tout ce que veut le dirigeant, à tout ce que veut la masse et les gens dans la rue. Et les dirigeants, il y en a certains d'entre eux, ils répondent à ça, ils disent non, on n'est pas obligé d'être d'accord avec tout qu'est-ce que vous nous demandez, puisque lorsque vous avez voté pour nous, ça signifiait que vous aviez confiance en nous et en nos décisions. Et donc aujourd'hui, si on prend une décision sur quelque chose, eh bien vous devez nous faire confiance et nous accepter ces décisions-là, même si ça ne vous fait pas plaisir. Et même si vous n'avez pas voté sur chacune de ces décisions-là. Parce qu'il y en a des gens qui pensent qu'ils doivent être d'accord et voter sur chaque décision que le gouvernement doit prendre. Et bien entendu, ce n'est pas le cas. Le cheikh, il dit ensuite, « Amma al-muzaharat fil bilad al-islamiyya, fa'amma al-anzima, فعامة الأنظمة الإسلامية الحاكمة تمنع قيام هذه المظاهرات إلا بشروط تحددها هذه الدول كل حسب ما يراه جالبا للمصلحة ودافعا للمفسدة ولكن هذه المظاهرات القائمة في الدول الإسلامية وإن خرجت أحيانا بإذن الحاكم فإنها تنتهي غالبا بمصائب وفواجع وإفساد وإراقة للدماء دون أن تجلب أي مصلحة للأمة تقابل هذه المفاسد العظام التي جلبتها وسببتها. Donc le cheikh il dit que il y a des manifestations qui se sont faites dans les pays musulmans, dans les pays islamiques, et la plupart des pays musulmans interdisent ce genre de manifestation, sauf avec quelques conditions que le pays ou l'État a établies. Et chacun, donc chaque pays, selon ce qu'il voit comme étant un bienfait qui peut être amené et un mal qui peut être repoussé. Toutefois, les manifestations qui sont établies dans les pays musulmans, même si parfois ils sortent avec la soi-disant la permission de leurs dirigeants, eh bien, en général, elles terminent avec de grands méfaits et beaucoup de désordre et de corruption et même parfois du sang. Et elles ne ramènent aucun bienfait par opposition à tous les méfaits qu'elles produisent et qu'elles causent. وإن الناظر في بعض هذه المظاهرات التي قامت في بعض الدول الإسلامية يرى فيها تقليدا للكفار وطريقة جلب المصلحة أو دفع المفسدة وهذا عند المسلمين يمثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن المعلوم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يكون بهذه الطريقة الغربية لأن لدى المسلمين طرقا وأصولا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليست المظاهرات واحدة منها. Donc il dit que celui qui observe donc ces manifestations qui se sont faites dans les pays musulmans, il voit que c'est uniquement par imitation des kuffars. dans leur façon de ramener le bienfait ou de repousser le mal. Et par contre, chez les musulmans, ça représente qu'est-ce qu'on appelle le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Et on sait très bien que l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal dans l'islam, ça ne se fait pas de la façon occidentale. Parce que chez les musulmans, il y a des voies et il y a des fondements pour ordonner le bien et pour interdire le mal. Et le fait de faire des manifestations ne fait pas partie de ces moyens-là. ثم إنك ترى في هذه المظاهرات دعاية واضحة للمنظم لهذه المظاهرات فهي إن قامت بأمر الدولة المنظمة فهي المظاهرة فهذه المظاهرة داعية لهذه الدولة والحاكم هذه الدولة ولحاكم هذه الدولة ورفع صورة ضخمة له فوق الرؤوس و ومدحه والثناء عليه بأوصاف لعلها لا تجتمع حتى في الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وفي صراخ وعويل أشبه بحال المجانين فأي فائدة للإسلام والمسلمين من هذا الكذب والفوضى وإن كان المنظم لهذه المظاهرة حزبا أو جماعة خارجة عن ذلك الحاكم فإنما يحدث هو الدعاية الواضحة لهذه الأحزاب والجماعات ورفع أعلامها وشعاراتها ومدح قادتها ورفع صورهم فوق الرؤوس في كذب واضح وتطاول فاضح. دونك الشيخ الزي ensuite. Donc que tu vois dans ce genre de manifestations là qui sont organisées, tu vois que soit que ce sont des manifestations qui sont organisées par l'État elle-même, donc que c'est l'État elle-même qui a organisé cette manifestation là et qu'elle le fait et que c'est en fait une publicité qu'elle se donne elle à elle-même en organisant cette manifestation là. Pour montrer en fait la grandeur de ce dirigeant, la grandeur de cet État, et pour montrer comment elle est au-dessus de toutes les têtes et pour se glorifier elle-même. Et dans ces manifestations-là, on voit que le dirigeant on lui fait des éloges et on le décrit par des caractéristiques que peut-être même qu'on ne trouvera pas chez certains des khulafa, parmi les khulafa rachidines. Radiallahu anhum. C'est-à-dire qu'on exagère dans la glorification de ces dirigeants-là. Et on voit ces gens-là qui participent à ces manifestations-là en train de crier et en train d'agir un peu comme des gens complètement fous. Et donc, où est-ce qu'il est le bienfait pour l'islam et les musulmans dans ce genre de mensonges et dans ce genre de désordre? Il dit, tandis que parfois la manifestation est organisée par un parti ou par un groupe qui est indépendant ou en dehors de celui qui est au pouvoir. Et ça, c'est dans le but de faire de la publicité pour ce parti-là ou pour cette jama'a. Hein, et pour relever leur bannière et pour glorifier les responsables et les chefs de ce parti. Et pour élever leur voix au-dessus des têtes, au-dessus des autres. Et ça également, c'est un mensonge clair. Et on a vu ça dans des pays musulmans aussi, lorsqu'il y a eu des manifestations. Et dans certains pays musulmans, non seulement il y a des partis islamiques qui appellent les gens à voter pour eux, comme on a vu ça en Tunisie, puis en Algérie, puis ailleurs. Et il y a des partis également parmi les partis communistes, athées, nationalistes, laïcs ou autres, qui ont eux aussi des tendances pour essayer d'appeler la population à manifester et des trucs de ce genre. Et surtout ces groupes-là, parce que eux, ils imitent directement, clairement les kuffars, ils le disent, parce que leurs idéologies et leurs méthodologies tout ça s'est copié 100% sur l'Occident, sur les pays occidentaux et européens en particulier. Donc, pour répondre à ces groupes laïcs ou communistes ou socialistes ou autres, eh bien, les partis islamiques eux aussi manifestent pour, comme c'est pour faire la compétition avec ces partis-là. Donc, c'est des exemples, de réactions, parfois qui sont des réactions pour donc de faire des choses haram parce qu'on est rentré dans un système qui nous pousse à faire des choses haram de cette façon-là par rapport à la méthode démocratique et autres. Donc c'est des choses qui ramènent des contradictions dans le manhaj et ça c'est obligatoire. Le cheikh il dit ensuite وما شيء عجيب وما شيء عجيب آخر وهو اجتماع الأحزاب المتناقضة في هذه المظاهرات. أي نعم. وعادة فهذا حزب شيوعي وهذا حزب علماني وهذا حزب تكفيري ينتسب إلى المسلمين من أهل السنة والجماعة وهذا حزب تكفيري ينتسب إلى الرافضة ويخرج هؤلاء كلهم في جماعة واحدة وكل يرفع علمه وشعاره وصورة قائده وإمامه كلما كبر كبر العلم كبرت الصورة فزادت الدعاية المضللة لهذا الحزب الخارج عن الجماعة. Donc le cheikh dit une autre chose étrange aussi, qu'est-ce qu'on remarque, c'est que on voit que des partis opposés qui s'opposent l'un l'autre, qui sont en contradiction même l'un avec l'autre, en général tu les vois qu'ils se sont réunis pour manifester ensemble, hein. Tu vois par exemple des gens du parti communiste, le parti laïque, le parti takfiri qui prétend appartenir à Ahlus Sunnah wal Jama'a et le parti takfiri qui appartient au Rafida par exemple, qui sortent tous ensemble, hein, et qui manifestent dans la même manifestation et ils sortent tous ensemble. Et ils élèvent leurs bannières et leurs drapeaux et la photo de leur chef et ils marchent dans la rue et plus la photo est grande, plus le drapeau est grand, plus la publicité et la propagande est grande et ainsi de suite. Ça c'est des exemples de contradictions qu'on retrouve chez les hezbiyin, chez les gens de bid'a et chez les kuffar et ainsi de suite. Il dit وَبَعْدَ يَوْمٍ طَوِيلٍ مليء بالأحداث المصادمات المصادمات وربما الدماء يرجع كل ناعق وصارخ إلى بيته كما خرج منه بعد أن أفسد في بلاده ما أفسد وبعد أن قتل بسببه من قتل وجرح من جرح ويرجع خالي الوفاض من كل نصر فلا الإسلام نصر ولا الكفر كسر بل للبدع أحدثوا ولأهل الباطل رفعوا ولذلك فلا فائدة ولا مصلحة للإسلام والمسلمين من هذه المظاهرات البتة ولا دليل عليها من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا من عمل السلف الصالح رحمهم الله. Donc il dit, dans une longue journée, hein, qui est remplie de plein d'accidents et d'affrontements, même parfois du sang, tu vois que chacun d'entre ces gens-là qui a passé sa journée à crier, rentre chez lui dans sa maison, comme il est sorti, après avoir fait plein de désordres dans son pays, et après avoir tué ceux qu'il a tués, et blessé ceux qu'il a blessés, et il revient sans aucune victoire. Il n'a pas donné victoire ni à l'islam et il n'a pas non plus brisé le coffre. Au contraire, il a inventé des innovations et il a élevé les gens de la fausseté. Hein? Et c'est pour ça, donc le cheikh dit ensuite, donc il n'y a aucun bienfait et aucun point bénéfique pour l'islam et les musulmans dans ce genre de manifestation. Et il n'y a non plus aucune preuve à son sujet dans le livre d'Allah et dans la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam et ni dans les actions des salaf al-salih rahimahumullah. Wa innama dallat alayhi an-nusus ash-shar'iyyah وإنما الذي دلت عليه النصوص الشرعية أن الأمة إذا حزبها أمر وأراد أهل الحل والعقد فيها إعلام الناس بما حدث أمرهم بالاستعداد أو نحو ذلك أن يجمع إمام المسلمين الناس ويأمرهم بما أراد أو ينهاهم عما أراد أو ليبين لهم المخرج من فتنة حدثت أو يتخوف عليهم حدوثها ثم يرجع الناس سالمين في أنفسهم عالمين بما يراد منهم مستعدين لما قد يحدث فيهم دون أي ضرر أو فساد. Donc, le cheikh, il dit que la seule chose qui est indiquée par les textes de la charia, c'est que lorsque quelque chose affecte la umma, un danger qui approche ou quelque chose de ce genre, que les gens responsables parmi les musulmans de la société, les dirigeants, vont annoncer à la population ce qui s'est passé et leur ordonner de se préparer à cette chose. Le dirigeant va ordonner aux musulmans de se réunir, de se rassembler, et puis il va leur ordonner ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils veulent, et il va leur interdire de ce qu'ils veulent, et il va leur clarifier l'issue de cette fitna qui s'est produite, ou bien il va leur montrer ou leur expliquer qu'est-ce qui est à craindre de cet événement-là. Et puis les gens vont retourner chez eux, sains et saufs, sachant en même temps ce qu'ils doivent faire et ce qui est voulu d'eux, et prêts également pour qu'est-ce qui va se produire, sans que aucun méfait ou aucun désordre soit produit. Et le cheikh il mentionne donc à ce sujet-là plusieurs événements qui se sont passés où le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonnait qu'on appelle les musulmans pour qu'ils se réunissent. Et ils appelaient en disant As-salatu jami'a. As-salatu jami'a. Et donc, quand on appelait comme, au lieu de faire l'adhan, c'était pas pour la salat, donc c'était un appel différent pour les réunir, on disait As-salatu jami'a. Et les gens se réunissaient tous dans la mosquée et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adressait à eux. Et il leur parlait. Et il y a beaucoup d'occasions de ça. Lorsqu'il y avait des éclipses de lune, des éclipses de soleil ou des choses comme ça, ou lorsqu'il y avait d'autres occasions aussi, il les réunissait et il leur donnait des conseils, il leur donnait de faire des choses, de s'abstenir de quelque chose, toujours dans ce contexte-là. Et donc ça c'est, voici comment donc les musulmans doivent agir. Et comment ils doivent écouter ceux qui sont au pouvoir et ceux qui les dirigent. Ensuite, le cheikh parle également des manifestations qui se sont produites de la part des Iraniens en 1407, lors du Hajj, lorsque les Iraniens se sont réunis pour faire une manifestation durant le Hajj et qu'ils ont causé à cause de ça beaucoup de désordre. Et je pense que c'était en 79 si je ne me trompe pas. 1979. Et les ulama ont fait une fatwa à ce moment-là pour montrer et pour expliquer le mal et les méfaits qui existaient dans le fait de faire ce genre de manifestation-là, et en particulier quand ça se fait à Mecca, puisque c'est le lieu saint des musulmans, il y a un lieu sacré. Et on sait qu'il y a plein de fatwas qui ont sorti des ulama depuis des dizaines d'années, des ulama d'Ahl Sunnah al-Jama'a, comme Cheikh Ibn Baz, et Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen, et tous les grands ulama d'Ahl Sunnah de notre époque, ils ont tous des fatwas pour interdire les manifestations sous toutes leurs formes. Et dernièrement, quand il y a eu les printemps arabes, soi-disant les printemps arabes, eh bien il y a eu également plein de fatwas qui sont sortis, et ceux qui ont essayé de ramener des shubuhat pour essayer de légiférer, ou bien pas de légiférer, mais pour essayer de justifier, hein, et de trouver des excuses pour les manifestations, eh bien, alhamdoulilah, les ulama, ils les ont réfutés. Hein, ils les ont réfutés avec les preuves et les arguments du Coran et de la Sunna. Parmi les ulama qui ont écrit des livres là-dessus, il y a justement Cheikh Rabi al-Madkhali qui a écrit un livre pour répondre à quelqu'un qui avait essayé de défendre les manifestations. Il y a eu des réfutations contre plusieurs d'entre les hizbiyins qui ont essayé de justifier les manifestations, comme Aïd al-Qarni, Youssef al-Qardawi et d'autres qui essaient de défendre les manifestations. Eh bien, ils ont été réfutés par les savants. Il y a eu Hayat Kibar al-Ulama qui a issu une fatwa à ce sujet-là également. Donc il n'y a pas de doute sur l'interdiction de ce genre de choses, et et donc les savants, alhamdoulilah, ils ont clarifié ça. Pour le livre de Cheikh Rabi' à ce sujet là, c'est Hukm Muzaharat حوار مع الدكتور سعود الفنيسان ونقد مقاله نظرات شرعية في وسائل التعبير العصرية. Donc il l'a réfuté dans ce livre là, et puis donc le livre il a été publié, et puis même la version PDF est disponible sur internet. Très bonne réfutation. Donc, alhamdoulilah, il y en a qui disent « Ah, mais vous, les salafis, vous dites que c'est interdit, mais peu importe qu'est-ce que vous dites, les choses se passent et les choses se sont passées, et donc vous parlez pour rien, il n'y a rien qui pourra nous arrêter, et ainsi de suite. » Alhamdoulilah, nous, on a été créés par Allah pour adorer Allah. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, il nous met à l'épreuve, il nous teste. Dans tous les événements, dans toutes les circonstances qui se produisent, hein, pour voir comment on va réagir et comment on va se comporter. Maintenant, quand il y a une fitna, si on pense que c'est parce que on est avec le groupe le plus nombreux ou le plus populaire, et qu'on est avec la masse, que c'est ça qui veut dire qu'on est sur la vérité, yani Allah musta'an. C'est la preuve de l'aveuglement de la personne. Mais c'est pas une question de popularité, ou de fait que la masse soit contente ou satisfaite d'une opinion quelconque. Non, c'est pas pour plaire à quelqu'un. Même si c'était la majorité des hommes sur la terre. L'important, c'est que qu'est-ce qu'on est en train de suivre, c'est qu'est-ce qui est ordonné par Allah et par son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et qu'on suit l'exemple et la compréhension des salafs salih dans ces questions-là, et qu'on se réfère à nos ulama qui suivent la voie des salafs. Et le reste, par la suite, que yani on soit plus nombreux ou moins nombreux, yani ça a vraiment peu d'importance. La réalité, le plus important, c'est que nous-mêmes, on soit sur la vérité qui vient d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc si eux, ils pensent qu'ils ont accompli quelque chose dans les pays arabes actuellement, et qu'en ayant fait ce qu'ils ont fait, ils ont ramené du bien, eh bien, ils verront les conséquences de ce qu'ils ont fait. Déjà, on les voit. Et ils vont voir, par la suite, au jour de la résurrection également, les conséquences de ce qu'ils ont fait. Hein? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala est juste, et il va les juger, hein, pour avoir contredit les preuves du Coran et de la Sunna, et les paroles des ulama Ahlus Sunna. Ensuite, on passe à un autre point. J'ai sauté la lecture des différentes fatwas qu'il a mentionné, une fatwa à propos de qu'est-ce qui est arrivé en 1979 avec les Iraniens. C'était juste pour expliquer donc le point. Maintenant, on va passer au point numéro 7, qui est Al-Ifsad fil bidad al-Islamiyya bit-takhrib wa tafjir wa nahw dhalik. Donc, le point numéro 7, il parle des gens qui font le désordre dans les pays musulmans en faisant des attentats terroristes et en appelant à la destruction des choses dans les pays musulmans. Donc il répond aux des gens qui font des attentats terroristes. Il explique la position des gouvernements, la position des musulmans vis-à-vis de ceux qui font ces attentats-là. Parce que maintenant, chez les koufars, c'est devenu quelque chose pour eux, ils croient que c'est que ça fait partie de l'islam. Et quand ils parlent de l'islam et des musulmans, ils font l'amalgame entre l'islam et le terrorisme et entre les musulmans et les terroristes. Et ils pensent que c'est des synonymes. Et même certains d'entre les journalistes ou les koufars, ils vont parfois même faire des amalgames clairs là-dessus. Pour eux, toute personne qui est, qu'est-ce qu'ils appellent eux, un intégriste ou un islamiste, ou qu'est-ce qu'ils appellent parfois l'islam politique ou je sais pas quoi, ils mélangent tout avec les termes qu'ils utilisent, eh bien, automatiquement, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est un intégriste ou quelqu'un qui est un terroriste, quelqu'un qui est d'accord avec le terrorisme ou des choses comme ça. Et il mélange avec ça le voile, il mélange avec ça, il y a plein d'autres trucs qui n'ont aucun lien. Et puis, ils mettent tout le monde dans le même paquet. Donc, ils font exprès d'un côté pour mélanger les gens. Mais, alhamdoulilah, c'est important donc de clarifier et d'expliquer pour que les choses soient claires pour tout le monde. Pour les musulmans et pour les koufars. Pour les gens de bid'a et pour les gens de la sunna. Donc, le cheikh explique, il dit... وهذا الموقف مبني على الموقف الموقف قبله لأن هؤلاء المفتونين إذا جمعوا الناس وهيجوهم وصوروا لهم هذا التجمع بصورة الجهاد وأنهم هم المجاهدون وأن من خالفهم من العام والخاص حلال الدم والمال والعرض فإن هذا التجمع لن ينتهي ولا شك بسلام بل لن ينتهي إلا بعد أن تراق الدماء وتنتهك الأعراض وتخرب الأموال كما حصل من الرافضة في الموقف السابق فإن لم يكف هذا الفساد الواقع بعد هذه التجمعات في التخفيف من الحقد الموجود في قلوب هؤلاء المفتونين بدأوا مرة أخرى بنقل هذا الحقد من قلوبهم إلى قلوب شباب صغار لا حول لهم ولا قوة حتى إذا ملأوها بهذا الحقد صوروا لهم واقعهم بصورة تبعث على اليأس من الإصلاح بالطرق الشرعية ثم وسوسوا لهم أن الإصلاح لا يكون إلا بالقوة والعنف فخططوا لهم تخطيط إبليس لكفار مكة حتى إذا نفذ هؤلاء المساكين ما خطط لهم فإما قتلوا في الفور وإما قبض عليهم بعد وأودعوا السجون وعذبوا أو قتلوا مع من قتل نكص هؤلاء على أعقابهم كما نكص إبليس وتبرأوا منهم وتظاهروا بأنهم لا يؤيدون التغيير بالقوة والعنف وما أفسد الشباب والله الذي لا إله إلا هو إلا هم. Donc le cheikh il parle ici, il explique quelque chose qui est important. Il dit que qu'est-ce qu'on parle maintenant par rapport aux attentats et aux explosions et tout ça, ça vient à la suite de qu'est-ce qui est, c'est basé sur qu'est-ce qu'on a expliqué dans le point précédent. C'est-à-dire que ces gens-là qui ont eu la fitna, qui sont sortis, qui ont réuni les gens et qui les ont soulevés, ils leur ont fait croire que leur soulèvement et que leur rassemblement étaient reliés au djihad et qu'ils étaient des mujahidoun et que toute personne qui était en opposition avec eux, que ce soit parmi les gens du commun ou bien les dirigeants, que ces gens-là avaient le sang, que leur sang était licite ainsi que leur bien et leur honneur, donc c'est halal pour eux de les tuer, de prendre leur bien et ainsi de suite. Et ça c'est les mentalités des takfiriyin, des khawarij. Donc, donc ces gens-là qui se sont réunis, ils s'arrêtent pas là. Ils s'arrêtent pas là avec le salam. Non, ils continuent jusqu'à ce que le sang commence à être répandu et que l'honneur soit attaqué et qu'on ait détruit les biens des gens. Comme c'est arrivé de la part des Rafidah, comme on a mentionné dans le point précédent lorsqu'ils ont fait la manifestation à la Mecque en 1979. Et sans parler non plus également de Runeyman et qu'est-ce qu'il a fait aussi à la Mecque en 1979 aussi. Donc le désordre que ces gens-là font, donc ça s'arrête pas juste à ces manifestations-là, ça continue. Quand le désordre commence à s'apaiser par la suite, s'ils voient que ils ont réussi à ramener de la rancune dans le cœur de la population, et ils recommencent encore une fois jusqu'à ce qu'ils arrivent à leur but. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils ramènent cette haine-là maintenant dans le cœur des jeunes. Ils ramènent des jeunes avec eux aussi. Et ces jeunes-là, bien entendu, n'ont aucun moyen, aucune force. Mais ils remplissent leur cœur avec de la haine et de la rancune. Et ils leur font voir l'image de qu'est-ce qui se passe dans la société avec un certain désespoir. C'est-à-dire, ils leur disent, vous n'allez jamais être capable de réformer la société par les moyens légaux selon la charia. Donc, ça sert à rien. Par les moyens de la charia, on sera jamais capable de réformer rien dans la société. Alors, ils leur soupirent ou ils leur suggèrent subtilement, et furtivement de faire une réforme par la force et par la violence. Et ils leur dessinent des plans, comme Iblis, la'anahullah, quand il a comploté, il a fait des plans pour égarer les koufars de la Mecque à l'époque. Eh bien, eux, ils font, ces prêcheurs-là, ils font des plans également pour pousser les jeunes à s'en aller dans les voies du takfir et dans les voies du terrorisme. Et le résultat de ça, c'est que soit qu'ils se font tuer directement, ou bien soit qu'ils se font attraper et mettre dans des prisons et torturer, ou bien qu'ils se font tuer parmi ceux qui se font tuer. Et une fois que ces gens-là ont été pris, ou bien qu'ils ont été tués, comme on a dit, parmi ces jeunes, eh bien, ces prêcheurs-là qui les ont incités au tout début, ils se désavouent d'eux et ils les abandonnent de la même manière que Iblis le fait lorsqu'il a fini d'égarer les gens. Il dit, ah, moi j'ai rien fait, je vous ai seulement suggéré, mais par la suite, c'est vous qui avez fait, qu'est-ce que vous avez fait? Donc, le cheikh, il dit, ces gens-là, ils corrompent les jeunes, et il dit, par Allah, celui qui n'y a pas d'autre divinité en dehors de lui, que rien ne mérite d'être adoré en dehors de lui, ils prétendent que c'est pas eux qui les ont incités. Ils se désavouent de ces jeunes qui ont fait ces actions-là, et ils disent, nous, on n'est pas d'accord avec la violence et avec la force, d'utiliser la force, alors qu'en réalité, ce sont uniquement ceux-là qui ont été derrière et qui ont poussé et qui ont incité ces jeunes-là à faire ça. فَإِنِ اسْتَغْفَرُ عَنِ النَّاسِ فَلَا يَسْتَغْفَرُ عَنِ اللَّهِ. S'ils se sont cachés des hommes, ils ne pourront pas se cacher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le Cheikh il dit, فَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. قال تعالى وإذا زين لهم الشيطان أعمالهم قال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه قال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب وهم بهذه الأعمال ولا شك مخالفون لنصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة التي حرمت دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم إلا بحقها فاحذر حماك الله من الفتن من هذه الموبقات فإن فيها الهلكة في الدين والدنيا وإليك بيان هيئة كبار العلماء في تحريم مثل هذا العمل والتحذير منه. Donc le cheikh il explique ensuite donc que celui qui fait une mauvaise œuvre, une mauvaise action dans l'islam, eh bien il aura à payer le à prendre à porter le poids de ce péché là et le poids de tous ceux qui l'ont suivi dans ce péché, hein, sans que cela diminue quoi que ce soit de ses péchés jusqu'au jour de la résurrection. Donc si tu fais un péché et que tu incites les autres à te suivre dans ce péché-là, eh bien, tant qu'il y a quelqu'un sur la terre, jusqu'à la fin des temps, qui continue à le faire à cause de ton exemple, eh bien, tu continueras à prendre le poids de ce péché-là, jusqu'au jour de la résurrection. Hein? Et donc, ce n'est pas seulement ton péché dont tu auras à porter le poids, mais le péché de tous ceux qui t'ont suivi dans ce péché-là. Et le cheikh, il mentionne donc le verset 48, dans Sourate Al-Anfal, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Et quand le diable leur eut embelli leurs actions, il dit « Nul parmi les humains ne peut vous dominer aujourd'hui, hein, et je suis votre soutien. » Mais lorsque les deux groupes furent en vue l'un de l'autre, il tourna les talons. C'est-à-dire le shaitan, il tourne les talons et il dit « Je me désavoue, hein, je vous désavoue et je vois ce que vous ne voyez pas. Je crée Allah et Allah est dur en punition. » Donc, c'est lui qui les incite, c'est lui qui les encourage à sortir et à faire le désordre. Puis une fois qu'il voit la réalité, hein, il se désavoue d'eux et il dit « Moi, j'ai rien à voir avec vous. » Hein, je me désavoue complètement de vous. Eh bien, ces prêcheurs-là, parmi les prêcheurs qui ont incité les jeunes à faire des actes, à faire du mal, souvent ce sont justement cette catégorie-là qui agissent comme le shaitan. Ils disent, ils disent au début pour les inciter, ils les poussent, ils les motivent, ils les excitent. Une fois que eux ont fait les actes et qu'ils se sont fait attraper ou qu'ils ont eu des problèmes, hein, eh bien, il leur dit « Ah, moi, j'ai rien. Moi, je suis pas d'accord avec ce que vous faites. Hein? On n'a rien à voir avec ça. » Donc, il dit « Par ces actions-là, il n'y a pas de doute qu'ils sont en contradiction avec les textes du Coran et de la Sunna et du consensus de la Umma, hein, qui ont rendu le sang des musulmans ainsi que leur bien et leur honneur. Hein? » Yani, tout ça, ce qu'ils font, eux, c'est en contradiction avec les textes et le consensus des ulama et de la umma. Parce que les ulama, les textes du Coran et de la Sunna, ainsi que l'ijma des ulama, interdit de faire couler le sang des musulmans et de prendre leur bien ou de s'attaquer à leur honneur. Sauf pour un des droits de l'islam, qui est bien connu dans les principes et dans les hadiths et dans les preuves. Le cheikh dit « Fahzar hamakallahu min al-fitan » « Fais attention, car Allah te préserve des fitan » »« Fais attention à ce genre de grave péché qui t'amène à ta perte » parce que si tu tombes dans ce genre de choses-là, eh bien tu risques de perdre ta religion et ta dunya. Et il dit maintenant, on va présenter quelques paroles des ulama du comité des grands savants qui montrent l'interdiction de faire ces actes et ces attentats terroristes. Bayan min hayati kibar al-ulama. Donc un bayan, une clarification du comité des grands savants. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah wa amma ba'd. Faqad darasa majlis hayati kibar al-ulama fi dawratihi at-tasi'a wal-arba'un المنعقدة بالطائف ابتداء من تاريخ 1419 اليوم الثاني من الشهر الرابع ما يجري في كثير من البلاد الإسلامية وغيرها من التكفير والتفجير وما ينشأ عنه من سفك الدماء وتخريب المنشآت، ونظرا إلى خطورة هذا الأمر وما يترتب عليه من إزهاق أرواح بريئة وإتلاف أموال معصومة وإخافة للناس وزعزعة لأمنهم واستقرارهم، فقد رأى المجلس إصدار بيان يوضح فيه حكم ذلك نصحا لله ولعباده وإبراء للذمة وإزالة للبس في المفاهيم لدى من اشتبه عليه الأمر في ذلك. فنقول وبالله التوفيق. أولا التكفير. Donc on va commencer par traduire l'introduction ici. Le Cheikh il dit, donc louange à Allah et paix et salut sur le messager sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur sa famille et ses compagnons et tous ceux qui ont suivi sa guidance. Ensuite donc il dit que le comité des grands savants dans sa réunion, la 49e réunion qui a été faite à la ville de Taif, le deuxième jour du quatrième mois de l'année 1419, il s'est penché sur la question au sujet de ce qui se passe dans plusieurs pays musulmans et dans les pays non musulmans également, comme exemple de takfir, le fait de déclarer des musulmans mécréants, ou bien le tafjir, c'est-à-dire de faire des attentats terroristes, de faire exploser des bombes et des choses de ce genre. Et qu'est-ce qui découle de cela comme sang, de faire couler le sang des innocents et de détruire les bâtisses et les constructions. Et étant donné qu'on voit le danger de ce que cela représente et ce que cela a comme conséquence, comme le fait de prendre des vies innocentes et de détruire, de gaspiller des biens qui doivent être protégés et de faire de semer l'effroi et la crainte dans la population, et de également de faire secouer la stabilité et la sécurité dans l'État, dans la société. Donc l'assemblée a jugé de faire cette déclaration et ce bayan pour clarifier le verdict de la charia à ce sujet-là, pour donner le bon conseil et pour faire preuve de sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala, envers les serviteurs, et également pour remplir notre responsabilité d'éliminer également les ambiguïtés et les mauvaises compréhensions dans les certaines choses qui ont causé de la confusion chez certains. Et donc on dit, et c'est par Allah subhanahu wa ta'ala que vient le tawfiq. Premièrement, awalan at-takfir hukm shar'i wa maradduhu ila Allah wa rasulih kama an at-tahlil wa at-tahrim wa al-ijab ila Allah wa rasulih فكذلك التكفير وليس كل ما وصف بالكفر من قول او فعل يكون كفرا اكبر مخرجا من المله. Donc il dit que le takfir c'est un verdict de la charia et on doit le ramener à Allah et à son messager. De la même manière que le fait de rendre halal ou haram ou obligatoire, ça revient à Allah et à son messager, de même le takfir. Et donc c'est pas toute parole ou action qui a été décrite comme étant kufr que ça signifie que c'est un kouf akbar majeur qui fait sortir de la religion. ولما كان مرد حكم التكفير الى الله ورسوله لم يجوز ان نكفر الا من دل الكتاب والسنه على كفره دلاله واضحه فلا يكفي في ذلك مجرد الشبهه والظن لما يترتب على ذلك من الاحكام الخطيره واذا كانت الحدود تدرأ بالشبهات مع أن ما يترتب عليها أقل مما يترتب على التكفير فالتكفير أولى أن يدرأ بالشبهات. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الحكم بالتكفير على شخص ليس بكافر فقال إن أي امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. Donc le cheikh explique que, étant donné que le takfir c'est quelque chose, un verdict qui revient à Allah et à son messager, il n'est pas permis à quelqu'un de faire le takfir d'une personne, excepté si c'est prouvé par le Coran et par la Sunna, et qu'on a dans le Coran et dans la Sunna la preuve claire de son kufr. Et il n'est pas suffisant dans ce genre de choses-là de se baser sur une chose qui est yani une suspicion ou bien juste avoir un doute. Il faut que ce soit quelque chose qui est clair et évident à cause des conséquences très dangereuses qu'implique ce genre de verdict. Et si on dit à propos des règles et des peines qui sont appliquées dans la charia qu'elles doivent être repoussées en cas d'ambiguïté, eh bien, ce qui découle du takfir comme conséquence, étant donné qu'elles sont encore plus graves que ce qui découle des peines par rapport à un péché quelconque qu'on aurait commis qui nécessiterait une peine quelconque, eh bien, dans ce cas-là, ça prouve que on doit encore plus repousser le takfir pour des shubuhat lorsqu'il y a des ambiguïtés que pour un péché autre parmi les péchés qui nécessitent une peine dans la charia. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également averti contre le fait de faire le takfir d'une personne qui ne serait pas kafir, hein, dans le hadith dans lequel il dit que toute personne qui dirait à son frère « Oh mécréant », alors cette parole retourne contre un d'entre les deux. Et si la personne est telle qu'il le dit, eh bien, dans ce cas-là, le verdict va s'appliquer à la personne. Toutefois, si la personne n'est pas telle qu'elle le dit, eh bien, le verdict retourne contre lui. وقد يرد في الكتاب والسنة ما يفهم منه أن هذا القول أو العمل أو الاعتقاد كفر ولا يكفر من اتصف به لوجود مانع يمنع من كفره وهذا الحكم كغيره من الأحكام التي لا تتم إلا بوجود أسبابها وشروطها وانتفاء موانعها كما في الإرث سببه القرابة مثلا وقد لا يرث بها لوجود مانع كاختلاف الدين وهكذا الكفر كفره عليه وهكذا الكفر يكره عليه المؤمن فلا يكفر به. Donc le cheikh explique, il dit que il se peut que dans le Coran et dans la Sunna on désigne quelque chose, une parole, une action ou une croyance comme étant kufr. Toutefois, la personne qui a commis ce kufr, elle ne va pas être décrite par ce kufr. Pourquoi ? À cause d'un empêchement quelconque qui empêche qu'on désigne cette personne-là comme ayant commis un kufr. Et le verdict, donc, ça c'est comme d'autres également, dans d'autres situations, dans d'autres questions dans la charia, c'est la même chose également. On ne va pas appliquer le verdict sur la personne à cause d'une condition qui n'est pas présente ou parce qu'il y a une cause qui est absente ou bien parce qu'il y a un empêchement qui vient faire en sorte qu'on ne peut pas appliquer le verdict sur l'individu. Donc il y a une différence entre le verdict général et le verdict sur l'individu en particulier. Et il donne l'exemple de l'héritage. Il dit, on sait que la cause de l'héritage, c'est qu'il y a un lien de parenté, par exemple. Sauf que il est possible par la suite que même s'il y a un lien de parenté, la personne ne va pas hériter à cause d'un empêchement. Exemple, la divergence de religion. Donc si par exemple la personne qui est morte est musulmane, mais que l'héritier, la personne qui fait partie des héritiers est un kafir, eh bien elle n'a pas le droit d'hériter du musulman. Ça c'est un exemple. Donc ça c'est ce qu'on appelle ikhtilafuddin. Donc il y a une différence dans la religion, donc il n'y a pas d'héritage dans des situations comme ça. Et il dit, comme ça peut s'appliquer également cette chose-là dans les questions qui ont rapport avec le kufr, la même chose. Quelqu'un peut avoir dit ou fait quelque chose qui est kufr, toutefois la personne reste toujours croyante. Par exemple, on l'a contraint parce qu'elle a été contrainte. Hein, ça c'est un exemple. وقد ينطق المسلم بكلمة الكفر لغلبة فرح أو غضب أو نحوهما فلا يكفر بها لعدم القصد كما في قصة الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. Il dit que c'est possible également qu'un musulman dise une parole. Non. Donc, Cheikh, il dit que c'est possible qu'un musulman dise une parole de kufr parce qu'il a été. La joie ou la colère a pris le dessus sur lui. Et donc, cette personne-là, dans ce cas-là, ne va pas être considérée comme ayant commis un kufr. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas eu. C'était pas son intention de. Elle n'a pas eu l'intention de dire cette parole-là, dans ce sens-là. Et l'exemple à ce sujet-là, c'est l'exemple de la personne qui a dit « Oh Allah, tu es mon serviteur et je suis ton Seigneur. » Il s'est trompé à cause de la joie, hein, parce qu'il a été trop content d'avoir retrouvé son chameau dans le désert, alors qu'il pensait qu'il l'avait perdu et qu'il allait mourir. Donc ça, c'est un exemple. C'est dans le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionne que Allah se réjouit plus de la repentance de son serviteur que l'exemple de cette personne qui a perdu son chameau dans le désert avec toutes ses provisions, ainsi de suite. Ensuite il dit وَالتَّسَرُّعْ فِي التَّكْفِيرِ يَتَرَتَّبْ عَلَيْهِ أُمُورًا خَطِيرًا من استحلال الدم والمال ومنع التوارث وفسخ النكاح وغيرها مما يترتب على الردة فكيف يصوغ للمؤمن أن يقدم عليه الأدنى شبهة لأدنى شبهة فإذا كان هذا في ولاة الأمور كان أشد لما يترتب عليه من التمرد عليهم وحمل السلاح عليهم وإشاعة الفوضى وسفك الدماء وفساد العباد والبلاد ولهذا منع النبي صلى الله عليه وسلم من منابذتهم فقال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان فأفاد قوله إلا أن تروا أنه لا يكفي مجرد الظن والإشاعة وأفاد قوله كفرا أنه لا يكفي الفسوق ولو كبر كالظلم وشرب الخمر ولعب القمار والاستئثار المحرم وأفاد قوله بواحا أنه لا يكفي الكفر الذي ليس ببواح يعني أي صريح ظاهر وأفاد قوله عندكم فيه من الله برهان أنه لا بد من دليل صريح بحيث يكون صحيح الثبوت صريح الدلالة لا يكفي الدليل ضعيف السند ولا غامض الدلالة. Donc le cheikh explique que de se précipiter dans le takfir, ça a des conséquences très très dangereuses. Parmi ces conséquences, le fait de rendre halal le sang et les biens et d'interdire l'héritage de la personne, de même que d'annuler son contrat de mariage s'il est marié, de même que d'autres choses qui sont mentionnées dans les livres à ce sujet-là, par rapport à l'apostasie. Donc comment serait-il possible donc à un croyant de se précipiter dans ce genre de choses, dans ce genre d'accusations, pour n'importe quelle ambiguïté? Et il dit que si c'est au sujet du dirigeant, alors c'est encore plus dangereux et encore plus sévère, à cause du fait que ça va avoir comme conséquence le fait que les gens vont se révolter contre le dirigeant et prendre des armes contre lui et faire du désordre, hein, et faire couler le sang et faire du désordre dans le pays et parmi la population et ainsi de suite. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit aux musulmans de de sortir, de se révolter avec les armes contre le dirigeant, sauf si on voyait un coffre clair, un coffre clair au sujet duquel il y aurait une preuve venant d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est claire. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « illa tarau », excepté si vous voyez, ça veut dire qu'il faut que ce soit quelque chose qui soit yani apparent, pas quelque chose qui est une supposition ou bien des rumeurs. Il faut que ce soit quelque chose qu'on voit nous-mêmes. Deuxièmement, « afin de qawlahu kufran », donc il faut que ce soit quelque chose qui est kufr. C'est pas suffisant que ce soit un péché, même si c'est un grand péché parmi les kaba'ir, comme l'injustice, le fait de boire de l'alcool, le fait de jouer au jeu de hasard, ou le fait de se donner des privilèges interdits dans les choses de la dunya, s'accaparer des biens ou des choses de ce genre. Ou bien également, qu'est-ce qui est indiqué par le terme bawah, c'est-à-dire que c'est pas suffisant que ce soit un kouf seulement, il faut que ce soit un kouf qui est clair, explicite et apparent, bawah, c'est ça que ça veut dire. Et ensuite, qu'est-ce qui est indiqué par la partie où il dit « عندكم فيه من الله برهان » c'est-à-dire que vous avez à son sujet une preuve claire venant d'Allah. Cette preuve, elle doit être claire en elle-même, c'est-à-dire qu'elle doit être premièrement authentique et elle doit être explicite dans ce qu'elle indique comme preuve. Donc c'est pas suffisant si c'est un dalil qui est daïf, qui est faible, ou bien que c'est une preuve qui est obscure dans sa signification et dans son indication. وأما قوله من الله أنه لا عبرة بقول أحد من العلماء مهما بلغت منزلته في العلم والأمانة إذا لم يكن لقوله دليل صريح صحيح من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهذه القيود تدل على خطورة الأمر. Donc le cheikh il dit que c'est pas suffisant que parce que Allah, le prophète صلى الله عليه وسلم a dit une preuve claire venant d'Allah. Venant d'Allah, c'est-à-dire qu'on ne doit pas prendre en considération dans ces questions-là juste la parole d'un savant parmi les savants. Peu importe son degré ou le niveau de science et d'honnêteté qu'il a dans la religion, il a dit cette parole-là et que ce n'était pas basé sur une preuve claire et explicite et authentique du livre d'Allah et de la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc, toutes ces différentes clauses qui ont été mentionnées dans ce hadith comme condition, ça nous indique en même temps le danger de cette question-là et à quel point c'est dangereux. Et le cheikh il dit ensuite وَجُمْلَةُ الْقَوْلِ أَدَّ التَّسَرُّعْ فِي التَّكْفِيرِ لَهُ خُطُورَةٌ لَهُ خَطَرُهُ الْعَظِيمُ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Donc, pour résumer tout ce qu'on a dit, que le fait de se précipiter dans le takfir, c'est un grand danger à cause de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, où il mentionne les différents degrés de péché, puis il mentionne à la fin de dire à propos d'Allah ce dont on n'a aucune connaissance. Ça c'est dans le verset 33 dans surat Al-A'raf. Et les ulama ont dit que donc le fait de parler à propos d'Allah sans science, c'est plus grave même que le shirk, puisqu'il a été placé en dernier après le shirk. Et donc ça c'est pour nous montrer que le fait de faire le takfir, eh bien ça rentre dans le fait de faire le takfir sans preuve, ça rentre dans le fait de parler à propos d'Allah sans connaissance. Donc on est arrivé là, à ce point-là, on va s'arrêter ici, inshallah, parce que on a atteint la limite du temps, inshallah. Donc on va continuer ce sujet, inshallah, au prochain cours, samedi prochain, inshallah. Ok. Là, il nous reste seulement un point à expliquer. C'est le point numéro 8 après. On est dans le point numéro 7. On va terminer ça la semaine prochaine. Et on va y aller parler du point numéro 8 la semaine prochaine, qui sera notre dernier cours dans ce livre. On va compléter le livre samedi prochain, inshallah.